Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. La loi définit et encadre l'activité des influenceurs sur les réseaux sociaux. L'objectif, bien entendu, est de mieux lutter contre certaines dérives et arnaques constatées et de poser un cadre pour protéger les influenceurs comme les consommateurs sur les réseaux sociaux, particulièrement, bien entendu, les plus jeunes. La proposition de loi traite des multiples acteurs du secteur, les influenceurs, bien entendu, y compris mineurs, mais également les agents d'influenceurs et les plateformes qui hébergent leur contenu. Une définition de l'influenceur est créée. Il s'agit des personnes qui, contre rémunération ou avantage en nature, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer en ligne des contenus visant à faire la promotion directement ou non de biens, de services ou d'une cause quelconque. L'activité d'agent d'influenceur est également définie. Celle-ci consiste à représenter, à titre onéreux toujours, les influenceurs auprès des personnes physiques ou morales et le cas échéant leur mandataire, dans le but de promouvoir à titre onéreux des biens, des services ou une cause quelconque. Ensuite, une obligation est posée. En effet, les influenceurs, leurs agents ou leurs annonceurs devront passer des contrats écrits au-delà d'un certain seuil de rémunération ou d'avantage en nature. Les conditions seront définies par la suite dans un décret à venir. Ces contrats devront notamment quand même inclure certaines clauses obligatoires, missions confiées, conditions de rémunération, soumission au droit français dès lors que sont visés bien entendu des abonnés en France. En outre, afin d'indemniser d'éventuelles victimes, les parlementaires ont introduit le principe d'une responsabilité solidaire entre l'annonceur, l'influenceur et son agent. De plus, les influenceurs résidant à l'étranger, en Europe, alors on pense forcément à Dubaï, devront désigner un représentant légal dans l'Union européenne et souscrire une assurance civile dans l'Union européenne toujours, dès lors qu'ils visent un public en France. Ensuite, des mesures spécifiques viennent protéger les enfants influenceurs. Des règles sur le travail des enfants youtubeurs sur les plateformes de partage de vidéos avaient déjà été fixées par une loi du 19 octobre 2020 et qui sont étendues aujourd'hui à toutes les plateformes en ligne du type réseaux sociaux comme Insta, Snap ou bien encore TikTok. Les enfants influenceurs commerciaux seront protégés par le code du travail. Leurs parents devront donc signer leur contrat avec les annonceurs et consigner une part de leurs revenus qu'on appelle le pécule. Ensuite, les obligations des plateformes en ligne, YouTube, TikTok, sont renforcées. Conformément au Digital Service Act, elles devront proposer un bouton rapide pour signaler les contenus illicites, traiter en priorité les notifications des signaleurs de confiance et retirer au plus vite ces comptes. Alors, l'interdiction de certaines publicités est également fixée. En effet, la proposition de loi, enrichie par les parlementaires, rappelle que les influenceurs doivent respecter le cadre légal sur la publicité et la promotion des biens et des services qui avait déjà été défini par la loi Evin. De plus, elle interdit les publicités faisant la promotion de la chirurgie et de la médecine esthétique, de certains produits et services financiers du type crypto-monnaie, de sachets de nicotine également, dont la vente sur Internet se développe auprès des adolescents, mais également des abonnements, des conseils ou bien encore des pronostics sportifs. Ensuite, pour une meilleure information de leurs abonnés, les influenceurs devront indiquer clairement la mention « publicité » ou « collaboration commerciale » sur leur contenu promotionnel. Pour protéger les plus jeunes, les photos ou vidéos de visage ou de silhouettes modifiées, notamment comme on connaît à l'aide de filtres ou réalisées par une intelligence artificielle, devront contenir la mention « image retouchée » ou « image virtuelle ». Enfin, pour terminer sur les sanctions et les contrôles prévus, les influenceurs qui violeraient les interdictions ou obligations posées par la proposition de loi risqueront une peine d'emprisonnement et de fortes amendes qui pourront aller jusqu'à 300 000 euros dans certains cas, voire jusqu'à une interdiction d'exercice. Les pouvoirs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en matière d'astreinte de mise en demeure pourront prononcer à l'encontre des influenceurs des sanctions qui seront renforcées, elles seront définies par la suite. Enfin, les réseaux sociaux devront s'engager à collaborer avec l'État pour réguler le secteur de l'influence commerciale et favoriser l'information du public sur les droits et devoirs des influenceurs et de leurs agents. Il est à noter qu'il y a un guide de bonne conduite des influenceurs et des créateurs de contenu qui est disponible en ligne. Ce guide est une des 12 mesures préconisées à la suite de la concertation nationale menée par le ministère de l'Économie début 2023 sur le métier d'influenceur. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.